3. Combien de temps resta-t-elle ainsi, le corps raidi, comme un oiseau surpris par les neiges? Elle ne l'eût su dire. Quand une faible lueur de sentiment lui revint, il lui sembla qu'elle avait changé d'âme. Le passé s'était évaporé, enfui. Elle n'avait plus ni froid ni peur. Elle n'était plus la triste liétique de tantôt, mais une petite chose légère, très vague, presque inconsistante. Un de ces flocons duvetés qu'elle s'amusait, aux étés de jadis, à cueillir dans le Yeun et à souffler vers le ciel où il flottait doucement. Dormait-elle? Rêvait-elle tout éveillée? C'était en tout cas un état délicieux. Jamais elle n'avait goûté un bonheur aussi absolu. Des pensées naissaient en elle qu'elle ne s'était jamais connue, glissaient à travers son esprit d'innocente, fugitives et indistinctes, comme de pâles nuées dans le firmament d'un soir d'août. Soudain, elle entendit à ses côtés une voix qui lui disait « Liétik, petite chère Liétik, rouvre tes paupières, je ne suis pas celui que tu te figures. Rouvre tes paupières au nom de Jésus de Bethléem, et tu me verras en réalité, tel que je suis. » La voix était faible et chevrotante et cassée, mais l'accent en était si tendre qu'il pénétrait le cœur. Liétik regarda à travers ses cils et vit, agenouillé près d'elle, le visage penché sur le sien, un vieillard maigre, à la peau jaune et racornie, en tout semblable au Tadiukos, si ce n'est qu'il avait sur les lèvres un de ces longs et mélancoliques sourires qui sont comme une lumière d'étoiles dans la nuit. Rien que pour ce sourire, l'enfant eût volontiers embrassé ce vieil homme, si laid. Il lui avait soulevé la tête et lissait de la main ses cheveux échappés de sa coiffe défaite que la boue avait souillée. C'était la première fois qu'il lui arrivait de sentir, sur son corps souffreteux, la douceur des caresses humaines, et elle s'y abandonnait, extasiée, sans même s'apercevoir que la main qui effleurait si délicatement ses tempes avait des doigts couleur de suie, terminés par des ongles sordides. Et le vieux l'interrogeait, la berçant toujours. « Tu ne me crains plus, n'est-ce pas ? L'ai-je donc craint ? Pourquoi le craindrais-je ? Se demandait Liétik. « Il est triste de vivre longtemps, vois-tu ? On devient à charge, à soi et aux autres. On passe la seconde moitié de son existence à regretter la première. On s'étonne du bonheur des autres parce qu'on en a fini soi-même avec les jours heureux. Il n'y a pas d'école où aller apprendre à vieillir. On ne se console point de n'avoir plus sa forme ancienne et de trouver moins beau le soleil béni. Voici des années que je réfléchis à ces choses, enfermées en moi comme en un tombeau. Le soir de l'homme est chargé de nuages qui vont sans cesse s'épaississant. Et moi, j'ai duré par-delà le soir, jusque au cœur sombre de la nuit. En sorte que j'ai pris l'apparence d'un fantôme, d'une forme de ténèbres, et que je fais peur aux enfants de mes enfants. Mais non, tu n'as plus peur. Dieu, que j'aimerais à te voir sourire, Liétik. » Liétik fit mieux que de sourire à l'ancêtre. Elle baisa sa barbe dure et la trouva plus fine que soi. Qu'est-ce donc qui avait changé à ce point l'âme de Liétik, l'âme du vieux, l'âme des choses même? Car il n'était pas jusqu'au misérable intérieur de Korncam qui n'eût revêtu un aspect tout nouveau. C'était, il est vrai, les mêmes murs pelés, les mêmes meubles frustes, la même chandelle de résine dans l'âtre, mais tout cela en plus grand, en plus vaste, avec un air de solennité qui imposait. Dans la lucarne du toit en soupente, une étoile merveilleuse scintillait, et sa flamme lointaine, descendant sur le front dénudé du Tadiukos, l'environnait, comme d'un nimbe. Soudain, il tressaillit. « Écoute, Liétik » murmura-t-il, le doigt levé. Des musiques profondes, de lourdes vibrations de cloches, s'appelaient et se répondaient dans les sonorités de l'espace. Le vieux reprit d'un ton grave. « La messe de minuit, mon enfant, c'est notre heure. Lève-toi et viens. » « Allez où ?» Liétik ne songea même pas à s'en informer. Ils se mirent en route, la main dans la main. « Oh, qu'il était admirable sous la lune !» L'immense, le triste Yeun. Des sentiers de lumière le traversaient dans toute son étendue, et, par ces sentiers, des files innombrables de gens se hâtaient, chantant des psaumes. En tête s'avançait une femme, drapée d'un manteau bleu, et portant dans ses bras un enfantelet, emmailloté de langes d'or, tel qu'un fils de roi. La fraîcheur nocturne était attiédie et comme embaumée par la laine suave des cantiques. On se joignit au mystérieux cortège. La neige se faisait douce sous les pas, jamais Liettik n'avait trottiné d'un pied plus alerte. Le Yeun franchi, la procession s'engagea dans la montée de Saint-Riwal. La place du bourg, là-haut, était déserte, mais aux vitres de toutes les maisons, il y avait de la chandelle, et de longs panaches de fumée ondulaient dans l'air calme, au-dessus des toits. L'église étincelait. Quand on fut entré au cimetière, le vieux dit à Liettik « Reposons-nous ici, un instant. » Il s'assit sur les marches du calvaire, dans l'ombre de la croix, la main appuyée à l'épaule de la fillette. La messe de minuit finissait, les cloches sonnèrent à toute volée, et les fidèles commencèrent à déboucher par le porche. Liettik reconnut les gens de Kergombou, et parmi eux son père et sa mère, accompagnés de l'aîné. Elle brûlait d'envie de leur adresser la parole. « Souhaite-leur le bonsoir, » dit l'ancêtre, « mais ne t'étonne point s'ils passent sans t'entendre. » Elle eut beau les héler, en effet, ils ne détournèrent pas la tête. Peut-être la hure et l'andouille occupaient-elles toutes leurs pensées. Dans l'assistance qui se dispersait, Liettik reconnut encore l'institutrice, mademoiselle, comme on l'appelait dans le pays. Mais mademoiselle, non plus, n'entendit point son bonsoir. Il en fut de même du vieux recteur, qui sortit le dernier de l'église. Il passa, lui aussi, distraitement, la figure enfoncée dans un cache-nez, les mains plongées dans les manches de sa houppelande. Pendant que Liettik le saluait d'une gracieuse révérence, il dit au sonneur « Entrez au presbytère, Jean-Louis. Marie-Vonne vous doit un verre de bon. » Tous ceux de Saint-Riwal et des alentours avaient disparu. Dans le silence des campagnes, au loin, retentissaient les voix joyeuses des réveillonneurs, s'acheminant par les replis des monts vers les repas de Noël. Et voici que de nouveau se montra la femme au manteau bleu, qui pressait contre son sein un enfantelet vêtu d'or, et derrière elle se reforma le cortège des chanteurs de psaumes. « Allons !» prononça le Tadiukos. Liettik crut qu'il s'agissait de redescendre à Kankam. Mais non. La route s'élevait, au contraire, par une pente inclinée à peine, bordée des deux côtés d'arbres étranges, feuillus malgré l'hiver, fleuris même, et dont les cimes se balançaient en cadence, avec de grands murmures mélodieux. Le ciel, d'une extraordinaire pureté, semblait se rapprocher de la terre, ou plutôt la terre s'enfonçait, sombrait peu à peu dans le vide béant de l'espace. Liettik, regardant vers en bas, chercha des yeux la masure paternelle et ne la put distinguer. Kankam, le Yeun, le Ménez Mikkel, tout le paysage familier n'était plus au-dessous d'elle qu'un embrun flottant sur la mer des ténèbres inférieures. Puis l'embrun, à son tour, s'effaça, s'évanouit. Et Liettik ne vit plus que le firmament, la route magique suspendue dans l'air, et le cœur des pèlerins qui montaient. Elle s'apprêtait à demander « Mais enfin, Tadiukos, où allons-nous donc ?» Quand, dans les profondeurs illuminées de l'azur, des anges, porteurs de palmes, passèrent en chantant à voix douce « Qui meurt à minuit, la nuit de Noël, va sans purgatoire au pays du ciel. » 4. Ici, les vieilles qui contaient cette histoire au temps de mon enfance avaient coutume de dire, en guise de péroraison, « Telle fut l'assomption de Liettik. Dieu est son âme dans ses joies. » Il y a quelque 2 ans, voyageant dans la Bretagne intérieure, j'arrivais à la fraîcheur du soir dans la pauvre bourgade de Saint-Riwal, après avoir vagabondé tout le jour sur les crêtes et dans les ravins de l'Arrée. J'y trouvais, ma foi, un gîte presque confortable, précisément chez un nommé Lanuzel, homme vénérable et aubergiste avenant. Curieux de savoir si le souvenir de la petite Aliette vivait encore dans le pays, je ne pouvais tomber mieux. Lanuzel l'avait connu. Ils avaient été ensemble au catéchisme. Elle eût eu maintenant son âge. Une sainte et une martyre, me déclara-t-il dès les premiers mots. Il se rappelait même ses traits, ses yeux tristes, couleur de tourbe brûlée, ses lèvres minces qu'elle ne desserrait presque jamais, sa figure hâve, parsemée de taches de rousseur. « En réalité, m'informai-je, comment mourut-elle » L'hôte secoua la tête. Selon lui, il y avait du louche là-dedans, et la justice aurait dû être avertie. Ce qui est certain, c'est que Blaise Arioun et sa femme ne quittèrent Kergombou qu'au crépuscule du matin. Qu'en rentrant chez eux, ils trouvèrent la porte large ouverte et qu'ils trébuchèrent dans l'allée contre le corps de Liettik. « Voyez-vous, cette sotte, elle se sera endormie là !» s'écria l'homme qui était un peu bu. Et déjà, il s'apprêtait à lui administrer une correction. Mais, en la soulevant, il s'aperçut que ses prunelles étaient convulsées, que sa tête roulait de bord et d'autre, que ses bras et ses jambes pendaient, inertes. Alors, une sueur froide le glaça. Sa femme se mit à jeter les hauts cris. Un roulier de Morlaix s'avançait sur la route. En ce moment, Blaise Arioun le héla, tenant toujours son fardeau. « Qu'est-ce qu'elle a, cet enfant ?» interrogea le roulier. « Je ne sais pas. Nous ne savons pas. Elle ne bouge, ni ne geint. Toi qui es de la ville, tu sauras peut-être. »« Oui, da, » répondit le roulier. « Tu n'as plus rien à faire, je crois bien, qu'à l'étendre sur un lit et à dresser sa chapelle blanche. Mais t'as vu qu'elle a le cœur cassé. » « Morte ? Vraiment ?» balbutia Blaise Arioun, hagard et stupide. Il chancelait si fort qu'il faillit laisser échapper le petit cadavre. « Donne, » fit le passant, « tu tomberais avec elle. Je vais la transporter. » Mais il n'eut pas plus tôt pénétré dans la cuisine, précédant le père et la mère, blême comme deux condamnés, qu'il recula soudain, saisi d'épouvante. « Sapristi, qu'est-ce que c'est que ça ?» Blaise Arioun se pencha pour voir, mais aussi vite, il se couvrit instinctivement les yeux. Ça, c'était le Tadioukoz, à demi carbonisé. Le feu, maintenant éteint, avait dû prendre d'abord dans la paille de ses sabots, grimper le long de ses bas de laine, œuvre patiente de défunte Radégonda, et de là, gagner ses vêtements, sa barbe, qui n'avait plus été faite depuis la mort de sa fille, ses sourcils, pareils à des touffes d'herbe desséchées, les mèches rares et inégales de sa chevelure de celte. On pouvait, sur son squelette, entre les haillons calcinés, suivre les traces noirâtres de l'incendie. Il avait, du reste, l'attitude qui lui était habituelle, son air de statue d'Égypte, assise, le buste raide, les mains aux genoux. L'expression du visage ne décelait aucune souffrance. Seule la bouche s'entr'ouvrait dans une grimace qu'il était permis aussi bien de prendre pour un sourire. Le roulier se chargea de prévenir à 2 kilomètres de Korncam une voisine qui aiderait à ensevelir le Tadioukoz et la fillette et qui réciterait les grâces en attendant que veilleurs et veilleuses fussent rassemblés pour la nuit funèbre. Une heure plus tard, au petit jour, cette femme arrivait à Korncam. Ainsi le pauvre cher vieux a fini de râler, dit-elle en se signant, dès le seuil. Quand elle vit Liettik couchée auprès de son bisaïeul, elle s'exclama. Puis, se penchant à l'oreille de la mère, « Voilà, c'est pourtant vrai ce qu'on raconte, que, quand ils ont dépassé le terme des vies ordinaires, les vieillards n'aiment pas à s'en aller seuls. » La mère, cerveau affaibli, répéta à qui voulait l'entendre cette parole de la prieuse. Et la plupart y ajoutèrent foi. Il devint évident pour un chacun que le Tadioukoz, ayant à comparaître devant Dieu, avait tenu à se faire accompagner par Liettik. Les deux enterrements eurent lieu en même temps. La même charrette emporta le grand et le petit cercueil, et ils entrèrent dans l'éternité par le même trou. Jean-Louis Lavéant, le sonneur de cloches, qui remplissait aussi les fonctions de fossoyeur, fut quitte pour creuser une fosse plus large. Blaise Arioun et son fils aîné quêtèrent dans toute la paroisse pour l'achat d'une tombe. Elle est au pied du calvaire. C'est une lourde dalle de schiste où un artiste local a sculpté d'un ciseau naïf et pieux deux arbres probablement symboliques. Un chêne noueux, un minuscule saule. Plus bas se lit en lettres grossières cette inscription très courte, aussi simple que fut la vie des êtres dont elle relate les noms. Michael Eusen, Alieta Nanès, 1844.